だやっぱりだ。 C'est pas mal ça. Friends, français. Mais ouais les copains, on est sur Twitch en même temps. Bienvenue. C'est un lien vidéo ninja. J'ai trop de rêve. Et qui va faire que ton feed vidéo il apparaisse sur la chaîne de Twitch. La mienne. Et donc tu pourras te voir. Ça marche là, tac. I try something. Open. I feel like I'm Bordeaux, si je me souviens bien. Cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain. Pendant ma vie il faisait faim. en Auvergne et on joue de l'accordéon. Thank you. ça y est, on voit la batterie. Drummer. Thank you. Thank you.